faut croire. Hein. Bon, bah vas-y, je balance un jingle. J'ouvre tous les mics là. C'est parti. Clac, clac, clac. Les instrus sont calés. Si t'aimes pas, on switch. Ou sinon, tu laisses un peu couler, tranquille. Yes. Radio Sud. La 25e. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. La 25e open mic, 23h minuit. Wabi. Là, c'est des prods à Wabi. Hey. On y est, dans le bail, on y est. On y est, dans la zone, on y est. On y est, dans le rare. Dans les dièses, on y est. On n'a pas les mêmes génies, pas les mêmes pros. Tu n'as pas le même débit, pas les mêmes doses. Pas le même sadisme, pas le même génie. T'aimes trop la rue, elle doit frire pas de rose. Les taux de l'encaisser, c'est sale. Pour un rappeur, le disque d'or, c'est le graal. Et on pète une vite, t'es ce qu'on sous-est dans la tête. La flic, elle nous pisse, t'es cramé dans la caisse. Aucun frère, aucun coup de main, aucune aide. T'es pété sur le corner avec ton joint, ton ghetto raid. Pour un plavon on est hal, on prend le billet, on coffre dans la malle. On veut la richesse, balèque de la princesse, ouais on est le process. Que du sale, ils ont sorti le bon perso pour gonfler les pecs. J'achète pas le steak, je leur fais mal. On sort l'extendo, on sort les calages, c'est lyrical, j'ouvre le bal, ouais. Fin de soirée, j'embarque tous, ils sont les ouais. J'suis dans le peura, faut que j'arrache tout, j'suis dans les ouais. Dans les ouais, dans les ouais, dans les ouais, dans les ouais. Yeah. Hey Gino, toujours chaud. La 25ème. Coke, shit, litron de beurre. Allez, hola, c'est le putain de code. Dans la sacoche, y'a le putain de Glock. Gagnez pas faire un putain de flop. 22, y'a les bleus dans le bloc. Ils m'interrogent pas, j'nie tout en bloc. En cellule, ben j'ai tout dans le froc. Et en soirée, bah ta pute me frotte. La même se fort qu'Obi-Wan. Normal, gros, j'suis du B1. Pas le même que dans le miroir, on s'en bat avec ta pute, c'est l'oseille qu'on convoite. Black Lambert dans l'habit, taxi, l'arbitre, sif, ben Medji le tac. On arrive après le début du spectacle. On fait trois freestyle et c'est fait, c'est le claque. Quand tu sais péter le million. Manque pas de respect, reste mignon. Hakim, la grand-mère à Cupidon, lui faire des prises de cul, ouais, c'est suffisant. Wow. Parti pour le milieu, ouais, j'ai le mental. Je vais finir au sommet de la montagne. Wow. Avec Bigou Dekawa qui m'accompagne. Avec trop de thunes, balèque avec d'une compagne. Moi, je vais un compète. Yeah. Compète. BTBB musique, mon pote. Ouais. Show. Moi, c'est Toms. Toms. Hey. Moi, c'est Toms. Ouais, c'est Toms. Là c'est Tom, si j'ai pas pétard sur de la frappe, gros c'est mort, j'écoute pas cette conne. Là je suis avec Don, Braska, là je te détate pas, couplé corrosif comme de l'acétone. C'est la même à rouper mon vieux, on a grandi, on a vu les envieux. Mais Braska qui perçait mon vœu, si je m'en avais plus, je remercierais mon dieu. Ouais, c'est pas grave, quand je suis pas trop là, c'est rien, c'est l'école, pas de palala. Je pense à me tailler, ça y est, ça rêve de liberté là comme Ferrara. Je me vois bien avec mon fils dans le Ferrari. Dans le Ferrari. On va bien avec Mowgli dans le Ferrari. On va des solo clan Ferrari. Ouais. On va le Ferrari. Pour ceux qui croyaient pas qu'on pas fait le pari. On va le niquer, c'est sûr, peut-être pas cette année. Il reste des plaquettes à détailler. Pour le charger de TD. Mes sauces pour les Yankees à rassasier. Pas ça y est, de mon frère, si tu veux pêche. Toute l'année soupé, tout ce dada pêche. Moi j'ai pas mal de potes, y'a du monde qui va graille sur la canapé. Pêche. Qui va graille sur la canapé, pêche, ouais. C'est Toms. Chaud les gars, chaud les gars. Lourd. Si jamais il y en a qui veulent écouter, il y a le bail à côté aussi pour écouter si jamais. Comme ça vous entendez en live. Check. Si tu rentres dans le bail, dans le truc, faut pas t'adoucir. Il pleut des punchlines, mais le pare-balles, faut te vêtir. Trop de four dans le check, pose ton petit peu à l'arrêt de bus. La peuf t'a fait planer comme Giordano Red Bulls. La flicaillée dans le bang, c'est le big graveur au père. La salle est cachée, la canine ne peut plus rien faire. Je me vois dans mes rêves au volant d'un RS7. Ici c'est le Far West, mercenaire, on est 7. T'as rien dit à ta mère, tu te confies au commissaire. Donc c'est la guerre. J'ai pas sorti les armes, j'ai été trop gentil. J'aurais peut-être dû le faire. La rue t'appelle, donc t'as voulu faire de l'argent. T'avais pas le cran, le médecin t'a mis sous calmant. Je les ai vus rapper, j'ai dit c'est quoi cette mascarade. Comme l'a dit Guiri, j'suis venu pour mettre en culotte. Le flow est bonifié, on vient se proliférer. Si on débarque dans ta fête, ça sera pour mettre le paquet. J'vois les petits charbonnés arpenter le rinté. Juste dans le but de se coucher, la mala on aime ça. Et Nessie remet ça. Les grosses cartes on aime ça. La bague on la met pas. Demande voir à la bac, le contrôle il est banal. Le toucher est rectal, la matraque c'est anal. Le dimanche sur FC on se croirait à Balti. Ça fait l'aller en I, ça tord le 2 et demi. Ça fait des mois que je dormais, je suis revenu pour kicker. Le high kick sera parfait. Et Gino, on est chaud. La 25ème. Yo. Parfait. Open mic. Yes, on switch, on switch. Waybi à la prod, merci, merci pour les prods, poto. Big up. Hey, S.I. Freestyle, Trisky. Hey. Je vois plus le jour, il se défile. Eh, énième collage, énième tour de manège. On va relever le défi, relever le frère. On crame les deux bouts de la mèche. La sentence est tombée comme la neige. Un voile blanc sur le visage. Une photo qui se fige, le temps qui s'arrête comme un éclair dans le paysage. Je voulais me barrer, partir loin de vous. Jamais plus compter les semaines. Je connais par cœur les alentours. Donc je pars avec trois cigarettes et un peu d'espèce. Laisse-moi souffler, ça devient vital. Rouler tout droit, louper le virage. Tous les soirs j'écris des images. Hey, pareil que tu paieras, pareil que tu chantes. Arme un fusil pour être touchant. J'balance une rime, d'un coup tout change. Hey, une panne d'essence, soleil couchant. Plus de batterie sur le bigot. Cette nuit le ciel est vide. Hey, hey. Évite le périph. Roule jusqu'à la panne. Jusqu'à la panne. Les flics font des rondes. Les flics font des rondes. Mais trouve pas la part. Mais trouve pas la part. Évite le périph. Évite le périph. Roule jusqu'à la panne. Roule jusqu'à la panne. Les flics font des rondes. Les flics font des rondes. Mais trouve pas la part. Hey. Yo. La 25ème. Si, si. Hey. Si, si. Si, si. Si, si. Ouais. Yo. Hey. Au fond du gouffre je m'enfuis, j'ai pas dormi, j'ai pas encore graille. On fonce en ville, zone et la street, quelques dollars dans les poches mais j'ai aucune maille. Si près du but je me suis senti, mais j'ai grandi, j'ai rapidement tourné la page. Couler le blunt et fumer la frappe, fais ce qu'il les keufs, coursé par les ch'tards. Eh, quelques menaces et tu tomberas. Tu la boucles, rare, son son qui sème le doute. Mais grave sont les injures et les coups. Ah, t'as fait du mal à ma troupe. Ta vision va virer au trouble. Mais jamais je te manquerai de respect. Même si toi sans pitié tu l'as fait. Les euros se font discrets dans le quartier. Toutes les autorités s'en battent les. Je fais ce que je peux pour faire de la monnaie. Je tège mon mégot depuis le canapé. Puis le suivant j'ai pris de l'amnésia. Résultat pédo plus large qu'à des mots. Je suis victime de la vie et de ses aléas. C'est pour ça mon camas est assez gros. Oh. Ouais ouais, oh. Dans mon kama c'est assez gros. Oh oh, oh. Excuse. Oh. Ok. Un G coupe le beat quand je rentre. Un des bouquets du bif quand je chante. Rien que j'ai l'envie d'être blindé. Plein de blé je cultive car là je suis dans le champ. J'ai ça dans le sang, toi dans le ventre. Après 9 mois tu classes t'insultes en 3 lettres. Comme le nom mythique de ce groupe du 9-3. Une seule voix pour le sommet. Seul moi peut me détrôner. Je suis le seul roi que tu connais. Et la seule loi que tu peux voter. OP, OK, là pendant RK Hip, RF Cannabis. Verse-moi la tease, laisse j'analyse. Je baisse bien la prise, lui fais pas la bise. Boom, punch un air carabine. Skiz, le blast sur lequel tu peux cliquer. Je sais que tu kifferais, mais sur la même prod on ne peut pas kicker. De quitter, j'en ai rien à battre. Viens à table, c'est un festin. J'suis venu grind des faux MC jusqu'à ce que je fasse péter mon intestin. Cœur d'iceberg face au Titanic. Iceberg, tu sais que tu t'arrives. Oui, j'arrive. Skiz. Oh. Yeah. Ok. Eh. Hey. Chaud, chaud, chaud. J'ai cassé des prods, j'en ai fumé des joints. Hein. Eh. Hey. BTBB, mon pote. Hein. Yeah. Chaud, les gars, chaud, les gars. Yo, c'est Don Brasca. Ah. Hein. Hey, hey. Elle m'endort la prod là. C'est parti. J'ai cassé des prods, j'en ai fumé des joints, j'en ai choukou des tasses. Eux et Kuma, je vais les mougou, poignet scotché dans le coffre de l'espace. Ouais. Des terres comme un centro FR, comme un désert tout part, comme un lion de l'Atlas. Ouais. Le rap c'est de l'eau, ego, je suis la goutte qui fait déborder le vase. Ouais. Et puis comme d'hab, ils vont me dire sale, mais ils partagent R. Ouais. À croire qu'on est en guerre, en plus sur ma mère, ils m'appellent le S. Ah. Moi je continue, gros, dans peu de temps, je suis entêté. Ouais. J'finis au bled trop sur une pirogue, faut qu'un Audi TT. Ouais. Pas de chinoiserie, c'est la piraterie que l'on affectionne. Ouais. Dites à votre sœur que mon cœur est pris, même si elles sont bonnes. Les blessures, on les collectionne, c'est pas grave, c'est Dieu qui donne. On prend, on le remercie, on repart faire du sale avec Tom's. Ah. Bye. Yeah. Yeah. Ah, c'est Tom's. Bye, tu connais l'acétone. J'ai la salle et mes péchés pour faire les dorsaux. Je les laisse tremper des douilles dans l'acétone. Mes potos, c'est pas leur live que je chante dans mes morceaux. Je veux acéminer. Ouais. Aux broches à révrider, les petits m'ont dit qu'ils pensaient qu'à se les vider. Des équipes équipées, fin de la soirée, ce soir c'est la team qui paye. J'ai tout calé dans le fut, j'ai cavalé puis la fuite. Ouais, toute mon équipe c'est l'Afrique, moi c'est le plan que t'aimes pas qui te met la trique. Comme moi dans la rue ça caille, essaie de me la mettre. Je reviens avec un rital et un taille. Et bien sûr tu vas me jurer le corps de la mec, c'est partout la même. Si tu m'as croisé chez toi, qui m'a invité, je sais pas. En brou tu sautes ou tu sais pas. Je les ai niqués dès le départ. Mon pote est bourré là c'est chaud. Ça fume la bonne peut bien sécher. Ouais. Demande pas où ça pêche. Y'a des connexions de Pesac jusqu'à Roubaix. Dans le hall. Ouais. Je sais pas, j'y étais pas. Ah non ma gueule. Moi j'ai fait l'école et quand ça te la mettait, j'étais là. Ouais, juste ici. Dans le hall. Ah ouais. Je sais pas, j'y étais pas. Ah non ma gueule. Moi j'ai fait l'école et quand ça te la mettait, j'étais là. Un plan précis, y'a des complications. Mes potes font des thunes vers les applications. Je vais pas te parler de rentée d'implication. Moi j'ai fait le lycée, le bac et la mention. J'ai croisé la stup. Ouais. Des potos ont goûté la butte. Moi c'est jamais de la vie, ils peuvent sucer ma bite, m'en sortir c'est mon but. Bah ouais, tu devrais pas faire solo dans le rap. Non. J'ai 2-3 contacts dans le rap. Ouais. Je voudrais un billet dans le rap. Rap, mais je traîne solo à pied dans le rap. Donc t'as capté pourquoi je veux le RS3. Ouais. Frérot laisse-moi. Et quand je suis pas là au RS droit. C'est complicado. Les keufs qui t'attrapent ils font pas des cadeaux. Ton équipe se fait soulever comme des Mikado. Je plus tous les fils de pute qu'on s'est mis à dos. Ouais. Relève les compteurs. J'acteur, menteur, suceur, on les baise. On les baise. Toute la matinée j'ai tourné dans le banks. Dans le banks. Sors du lourd, j'attendrai pas que tu me dises thanks. Tu me dises thanks. Braquer le rap serait plus rentable que se faire un Brinks. La mélo, le peur, on aime ça. Oui. Hein. La bécane, on aime ça. Oui. Le bédo, la baïda. Oui. Dans le bendo, y'a tout ça. Oui. J'ai pas attendu qu'on me sonne les cloches. Non. Ce que t'as fait bien dans ta sacoche, je l'ai dans ma poche. Je donne l'amour à mes proches. Par moins 3 calés sous le Porsche. Bye. Là, tu contournes le bas de portier à cramer leur lampe torche. Y'a du sang sur leurs mains. De l'argent sale dans le palmain. Yasmine fait la halal, elle s'est fait oui par Aladdin. On se fait vieux, on devient pieux. Mais le vice est là en mieux. L'oseille, faut le claquer. Bah ouais, on l'emporte pas aux cieux. Aux c'est cieux. Réel, pas de mytho. Non. On a trop vu les gyros. Bah oui. Tes frères finissent en hâte pour avoir vendu de l'héros. Sale. Eddie New. La 25ème, 23h, minuit, open mic. Les prods de YB. Big up. Young Speeds. Yo. Qui reprend? Hey. Qui reprend? Ouais. Depuis tout petit j'aime le fric, même aujourd'hui j'en suis pas lassé. Depuis tout petit j'aime le shit, depuis tout petit j'aime pas lasser. Je compte les billets comme un ATM, je sors pas de chez moi avant APM. Depuis l'école on veut tous les loves, on les chasse, les trouve, on les perd, les sème. Rares sont les bouquets de roses, ouais. On dirait qu'en bas plus personne ne sème. Entre les courses et plus des roses, on prend des vacances et des longues semaines. Envoie ma prod et mon soper, Kalaos, tu sous drogue, je fais des sopers. Canaille au cul. Kalaos, tu sous drogue, je fais des sopères. Canaille au cul, j'ai ma conce dans mon son calme. C'est court le soir, si ça caille, j'appelle Sekai. Si ça caille, j'appelle Sekai. Hey. ok. J'suis dans le bateau depuis la mi-stade. J'prends les commandes, petit matelot. Roi dans le château, pas une page d'histoire. Donc table ronde comme un camélo. J'maîtrise l'art de Molière, mais j'kiffe arme de dynamo. Métissage de nos pères, je vois comme touche noire sur piano. On pèse tous, mais on prie à l'aube. S'aime tous, mais on le dit à d'autres. Mec, tout plus scène rouge, mais c'est qu'on dira plus à l'eau. J'vis un cauchemar, seul Martin Luther avait un rêve. Hey. J'étais au star et la main du fer avait un glaive. Hey. J'écris la nuit, pas de Cyrano. Si j't'arrose, dis-toi que tu feras la fleur. Évry la ville, pas de Chicago. Si j't'arrose, oui, t'as presque un acteur. C'est l'Ilias qui tienne la France et c'est pas le riche gars qui te mitraille. C'est l'Ilias qui tienne la France et c'est pas ce qui pas d'afflux pas. J'ai 1000 pages, mais quelques lignes comme un drogué. Histoire sur histoire, qu'on verse quelques litres dans un gobelet. 2 ans j'cours, mais la médaille ne m'est pas donnée. Bleu, blanc, rouge, soirée Charlie, si t'es Traoré. Yeah, yeah, ça donne. Tiens, hein, ça fait. BTBB, mon pote. Don Braska. Tu connais, hein. Mamie me dit que je suis insouciable. Maman me dit que j'étais jugé jusqu'à ce que je sois incontinent. Jugé, j'ai vu la taille de mon continent. A priori, j'ai vu ce qu'il a faute. Je me suis mis dans le son, j'ai pas retenu le foot. Par manque de bif, j'ai vendu la dope. Retour sur les terrains, mais plus joueur de foot. Ils sont venus s'amarrer sur... Ah. Ils sont venus s'amarrer sur nos terres. Avec dans la tête l'idée de faire du sale. Ils ont violé nos mères et nos sœurs. Aujourd'hui, ils appellent ça métissage. Dis-moi qui dit vrai, dis-moi qui louche. Dis-moi qui ment, dis-moi qui se couche. Dis-moi qui la ferme et dis-moi qui l'ouvre. Dis-moi si tu m'aimes, me dis pas si tu doutes. Si ton cœur me parle, ma chérie, désolé. Je n'écouterai pas ta bouche. Je serai près de toi par manque de moyens. Pour la guerre, je n'ai plus assez de cartouches. Donne-moi ton cœur et un enfant. Femme arène, n'écoute pas les gens. La famille, c'est très important. Est-ce que la nôtre l'est plus que toutes les autres? Yo. Hey, il reste la prod? Il reste pas. Je vais switcher. Young Speeds. On va repartir dans le sale. Open mic 23h minuit, Radio Sud, radiosud.net, 101.8, la 25e. Casca ride sur la moto pour un motrave, ça fait brave. Mais je suis de Bangui, moi ton avis, je le baise même si t'as les bras. Joue pas les Rothschild, OB1, Belgov, Chap-Chap, on cardiaque et yo, c'est le B1, cartel, Obi-Wan. Dans le gang, y'a que des braves. Ouais, y'a que des braves, on parle pas nous en gardave. T'es mort toi si tu poucaves, on veut la vie de Tony et mettre les pieds sur la table. Sac de billets dans la cave, Igo, ça te met dans le coffre. Si tu pouques, kick devant les ports. 22 gens dans les coffres, si je te le répète, c'est gore. Ça coupe plus, ça brûle le corps. S'il y a coupure, je suis dans la zone. Ouais. Est-ce c'est le sale qu'on aime, Mike. BTBB, mon pote. Ouais. Young Speeds. Check, check. Erinio. Mon vieux, c'est son, t'es rentré dans la CR. Dans tout le bâtiment, ça coopère. Et les commères du deuxième gris, les affaires. En un éclair, c'est le camtar cellulaire. Ces putes prennent accro mais ils te doivent détale. Ça sort le magnum incrimé, ils détalent. Minuit 20 souffle la gale, le check c'est topé. Faire entrer la moula, la Skoda va toper. La frappe est viscère et en finesse. On prend le Midnight Express. Si tu finis perdant, tu feras des heureux. On verra le gagnant, on décompte des euros. Coincé au corner, je vais m'en sortir. J'ai les plans du succès, j'ai plus qu'à le bâtir. Dans une équipe, y'a un gars qui trahit. Ton meilleur ennemi est souvent ton ami. Tu sauras jamais à quoi t'attendre. Dans le trafic, personne pourra s'entendre. Prolo, violence, drogue, arme. T-Max, arraille, pompe, larme. J'ai vu des hommes perforés par une lame. Tu peux lever la street, y'a personne qui t'acclame. T'as pris seul le virage, personne criera aux armes. Y'aura pas de mirage, ça va virer au drame. Ça va virer au drame. Pas de mirage, ça va virer au drame. ça va virer au drame. Ça va virer au drame. Tu fais les comptes et t'es au calme. Journée bien passée, la beuh descend de Rotterdam. Fini dans un joint bien tassé, les kilos remontent par l'assiette. Le gros est frit de la cassette. Plus de salra, c'est la disette. Le patron descend à l'aveuglette, ouais, ouais. Scolaire, je me sens dans GTO. Porsche Carrera comme dans GTA. Ah. Chargé comme Hulk en moi GTA. Ah. Bout de souffle pisté par les bleus, c'est trop. Tu m'entends, Péra, tu dis que j'étais chaud. T'as mis sorvé, tu comme en étais là. J'écoute ta maquette et poteau, t'es naze. J'ai affaire parler de moi plus l'affaire TO. Les rafales sont automatiques. Même les plus charismatiques prennent rush. 300 km/h dans le derche. Test les chocs dans le vaisseau, je m'arrache. Ouh. Quand j'étais petit, mon père me disait. Surtout fais confiance à personne et pour appliquer ses conseils. J'ai attendu que son heure sonne, c'est malheureux. Mais je les écrase comme des fourmis. Pour le barbecue à 3-4 on fournit. Même si on sait qu'on n'a pas un euro. Comme d'habitude il est tard. Encore les cheveux en pétard. Ma team c'est plus des tétards. Je te parle sous whisky coca. Merci aux vrais qui m'épaulent quand ça erre. Ceux qui surpassent les coups de presse de la guerre. Hey. Oh. Hey. Qui est joué sur celle-là? Ouais. Ok. Coupe la zig, écoute la suite. J'ai des couplets qui découpés sont écoulés comme de la Blue Magic. Une part de rue de pas avec grammes de stup de thunes, c'est pas vrai. Claque le cul devant un tarp et je lâche des scutes devant des faces B. Skis, fuck, George, puis la street, tu la zig sur la ligne. Marque mon territoire et puis la piste, je marche plus à 10. Solo, mes coraux et le sol qui colle aux bases. Tape depuis les survêtres rocos, les polos ralfouent le gars, donc trop d'écart. Entre vous et moi, je vous déclare qu'on a toutes les armes, ce coup débarque, préparez-vous au coup d'état. J'écris tant de classiques en skis, kick, tout rap applaudi. J'ai mis dans le casting Biggie Tupac, donc All Eyes on Me. Les ultras de la zone prix. Les joints de frappe atomique, les gros frappes, quoi, tu l'as pas compris? Skiz, micro et lâche conne, t'es mal score. Fuck, bronze ou argent, moi j'suis médaille d'or. Yeah, chaud, chaud, chaud. Chaud. Oh, yeah, Elika, Radio Sud, Priskai, Dizil. Oh, yeah. Toujours dans l'extrême comme un frontal avec un tank. Improbable dans la next gen, travaille encore l'implant. Des merdes par-ci, des merdes par-là, esquive des putes qu'inventent. Nouveau mobile, une grosse bagnole, ça palpe et flac, ça flambe. Je comprends que dalle à ce qui se passe autour de moi. C'était que je pécache, cache assez raison de me crever doucement, même deux fois. Moto détruit pas qu'à moitié, ça tu le sais déjà. Slow moto mystère, l'écran après 6 ou 7. Toujours dans l'extrême, frère. Ouais, je vois bien que ça muse, mais qui sommes-nous, je cogite. Et je suis pas contre un excès de zen. La parole des autres à mes yeux sonne sourde. Par la patience d'un sensei, insensé comme ma gueule sur Samsung. Je m'en fiche pas, j'ai pas besoin de reconnaissance. Si je me dirige à la pompe, demande pas pourquoi autant d'essence. Hey. Un train de vie pourri, mais je retiens que l'essentiel. Conscient que je suis le seul unique auteur de toutes mes emmerdes. Arrogant, moi je voulais le minoret. Alors on m'a dit taf, mais l'école ça rend pas millionnaire. Quand je voulais du taf, est-ce que tu capes? Faudra bosser chaque jour, bosser jusqu'à que tu claques. Ah le bâtard, il me dit tu veux le million, faudra devenir une star. J'ai les crocs, filme-moi le micro mon pote, faut un plan qui rapporte. Si tu choques et puis que ton son icône, tu rafles la cagnotte. Oh là là, faut arrêter la parlotte. Moins de blabla, plus de billets rice pour remplir mes poches. Oh. Bien sûr l'argent en beau, mais bon pour ça j'ai pas à me plaindre. Tu sens trop, juste au-dessus du Congo si tu cherches sur la carte. Oh. Elle est grave dans le coma, et là, au fond du couloir, la vie c'est gore et en ce moment je crois que ça vient de film de boule. Elle veut ma bite et faire partie du clan, mais moi je m'en bats les couilles, elle me porte sa chatte. Elle me dit qu'elle a faim, mais j'as... J'ai dit pour sa chatte, ben je pourrais rien faire, poto je suis pas resto. Tellement taf pour tellement brasser. Cogno m'a racheté un brasier, ma haine m'a cage l'embrasser. Le rap, je le mène, c'est que dans Braser. Comme ta sœur. Ah, je l'ai raté, c'est pas grave. Fat comme Biggie, sale j'pose ici. Bitches déjà dit puisque je suis sur Mars comme E.T. Easy, j'rappe calmement, salement, pas le temps. Largement, je meilleur MC, ton département skiz. Nouvelle cuvée, buvez. Décollage façon fusée, j'veux le succès, tu le sais, hein. J'viens découper des prods, découper les gorges, j'ai découpé les gorges. Et bientôt, j'aurai le coupé sport. Je la relève, tu l'as senti, tu sens j'kick, sans j'kick. Grave, kiff, grave, les MC s'empilent. J'connais mes classiques, la zik, la street. Ah oui, j'connais aussi l'entrejambe de ta petite. Open mic, 23h24, on est là jusqu'à minuit les frères, venez. Show. On repart dans les bases. C'est chaud. Ok, faites gaffe, je fais mal dès l'entrée comme Rocco dans X-Tech. J'place texte, crache, j'suis pas dans les propos gentils. J'fais le taf comme un Ching Chang et ta clique tremble, ce qui se tendre avant le clic pan car j'suis Yin Yang. Jamais parti donc pas de comeback, là j'conne grave. Jamais acquis un tas de somme art donc ma prose frappe. Oui, théorie et pratique, les ogives sont partis, les novices sont assis. Négro j'kick, négocie les tarifs. Oui, j'suis en masse, pas de balles en plastique. Que sache que si j'suis en clash et rafale dans ta street, j'parle pas si j'applique. Skiz, théorie et pratique, j'suis déjà là, puis Tupac ou Tenklen et Biggie. Coupable tout dead, mais c'est easy, wanted à chaque sortie de cabine. Oh oui, oh skiz. Petite chabine, de pas voir c'est du sale, normal, tu vois pas que je kick. Le savoir est une arme autour de la taille, la carte d'Afrique. Hey, oh, skiz, skiz, skiz. La 25ème, hey, tout est carré, chez Megava. Le blaze est gravé sous les gravats, ouais. On est embourbé depuis trop longtemps, viens on s'arrache, roule. On va les faire payer, on va se faire entendre. Bouge de la joie, rouge à la pompe à essence. Oups, ah, oula, démons vont patauger dans les cendres. La gova fait les 100 poids quand je fais un tour avec un gava burn en Touran. Il a pas toute sa tête, non on arrive en roue arrière. On sait même plus où aller, charge le coffre et la groove à jandra. Ça finit en boumaillé, on taffe en soum soum. Pour la fratrie zoom, Dizzy l'équipe tout tout. Pour la famille entre nous, pas d'histoire de sous, pas de chichi. On divise le chiffre bientôt toute ma famille en paille. Je vais tes carrés chez Megava, Triskaï. Le blaze est gravé sous les gravats. On taffe en soum soum pour la fratrie zoom. Dizzy l'équipe tout pour la familia. Je vais tout cramer dans ce monde amer. Tous déclassés, ramenez ma gueule, foutre la merde. Trop longtemps que je rame, pas besoin de me blâmer. J'ai la dalle, check la haine, c'est la mienne. Ou allez, faut se barrer, mais vous créez des drames à fausse alerte. T'aimes le contact, ah, constat. Prépare le combat, tu préfères qu'on parle. Mais j'ai pas le temps, bouge de là, prends la route et roule au large. Pas de merco, pas de manoir, pas de boost, pas de mar. Ah, galère H24, Triskaï, hashtag fat. Un rap, insta-poi, c'est levé point car installe-toi. Joue pas dans la finesse, passe pas par quatre chemins. Mon flow, une balle de silex, peut-être bien que je me casse demain. Galère H24, Triskaï, hashtag fat. Un rap, insta-poi, c'est levé point car installe-toi. Installe-toi à la 25ème, chao. Si, yeah. On est d'accord. C'est bientôt Halloween, les gars. Ouais. On balance un truc d'horreur ou quoi? Ah mon négro, c'est l'heure. Le rap, moi, je suis venu le rançonner. N'envoie pas ta pute pour te renseigner. Viens voir de tes yeux, tu verras, c'est mieux. Tu verras, c'est mieux. Ramène ton MC, moi, je le HM. Ouais, je le HM. T'es peut-être une star du net, mais t'es rien chez nous. Cascara, ça va mal finir. 2-3 millions et j'ai l'esprit libre. Pour l'instant j'ai besoin d'une aspirine. Écoute un son atom, tu verras t'es nul. Sous les lunettes dorées, les paupières qui rougissent. Moi je vais me noyer dans le Styx. Tu es au milieu de ma vie, les poumons qui pourrissent. Là je ferais mieux d'investir. Investir mon bif dans l'avenir et la mif. Cœur noir comme en Afrique. Si t'es pas mon ami, bien sûr t'es mon ennemi. Regarde froid comme en Russie. Liberté des mains, je l'attends encore plus. Depuis l'indépendance, c'est en Inde qu'on se lance. Si on sneak, personne prendra ma défense. Alors moi je m'en fous du buzz. Je préfère les bonnes prods. Faire que du noir, fictifier mon biz. M'endormir vers les dom-tom. Depuis laisser les cas, je suis moins pacifiste. Tout est prétexte à la guerre. Tout est que je sois intimiste. J'ai même pas confiance en mon père. Ring ring, la mort sonne. Y'a des échos sur le téléphone. L'argent sale, l'argent propre. Faim tu manges, je t'explique mieux si t'as faim tu manges. Mais si après graille, moi j'ai toujours la dalle. Sans smer, bah c'est toi qu'on mange. Deviens plus malin et attrape des couilles. Va en cours même si ça te casse les couilles. Les parents t'ont dansé à être plus indulgents si t'as école ou bien tu t'as fait tout. Si t'as pas ça, gros, ben t'es dans la merde. Mais dans la merde jusqu'au cou. Mon pote c'est réel, là y'a pas de Saiyan. Il se fait tirer dessus, Goku. Mais t'es bébé, mon pote. Tire dessus, Goku. Ok. Yeah. Ok. Check. Yeah. Faut que je trouve des trucs hyper stylés. Des prods, des crus, millés, zimés. Ouais. Des gustes, des coupes, des terres minées. Ouais. Triskaï, l'équipe, valeur glisser. Ouais. Me calcule pas. Non. J'm'en bats les reins, j'fais juste mes bails. On sort de nulle part. Ouais. Ouais. Des dièses, le clan fait pas de détails. On s'en fume grave. Grave. Ouais. Comme Gary, faut fermer la faille. On me censure pas. Non. Quand Villera, faut fermer ta LNT sur les machines. Trait de B dans la matrice. Matrice. Check la claque, elle est massive. Massive. Free Star Dark, c'est ma matière. Matière. J'm'écarte loin de vos castings. Casting. J'te zavite, c'est ta pastille. Matière. J'te ferai tomber si c'est toi le king. J'prête des prods, gros, j'les martèle. Me calcule pas, j't'ai dit. J'm'en bats les couilles, j'fais juste mes bails. Scredi. On crame les A, c'est dick. Déterre, avant que tout pète comme en 68. Faites l'air. Suffoque, bouge, laisse-moi tranquille. Ah, pas si sympa, viens pas me voir. Reste vrai comme pas à l'avoine. Crame des pages, on se casse la voix. A chaque track, c'était du père. Mais la dose ferme, machallah. J'm'arrête plus, check là, j'rafale. T'assassines quand j'mate la cam. Mes fois se coupent comme cutter. Hey. Faut que j'trouve des trucs hyper, hyper stylés. Stylés. Des prods, des crus, millés, millés, zimés. Hey. Des coupes, oui, des gustes, oui. Sur Radio Sud, ciao. BD, Diesel Jazz. Show, show, show, show. Hey. Open mic, 23h30 minuit. Radio Sud 101.8. Radiosud.net. Y'a du monde, on est là. J'ai la Beytaf, j'suis comme Batman. Dans sa boîte cave, mec. Tu crois tu paieras, mais tu rappes mal. Demande pas de conseils. Tu négliges ta go, elle est pas mal. Hein? Méga tac sans peine. Tu dis plus un mot devant le pushkai. Non, hey, non. Pourtant, c'est toi la tête. Yo, si, si. Oh. Oh. Au revoir. Si, si. Ça. Check. Gros, y'a peu de choses qui m'apaisent. Je roule un gros joint et je la pèse. Moi, je verse la potion dans la taille. On noie les problèmes dans ce qui blesse. Toujours les mêmes têtes au parking. Ouais, casquette ensemble en jogging. Y'a pas d'enculé dans ma team, alors arrête tes tics. Je crois qu'ISB c'est nous les pires. Avec Thompson fait la paire. La paire. Avec Mowgli on fume sopère. Ouais. Mon pote est vu ma paire. Y'a couteau caché dans l'impair. Ça fume les jours pair et impair. Je suis dans les nuages et je plane. C'est l'effet du pur. Si tu veux, y'a pas que ça dans la hure. Mais jamais je taperai dans la dure. J'ai ni les naseaux dans la pure. Ni la cuillère sur le clipper. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai coché toutes les lignes du répertoire. Toi tu passes mais tu t'arrêtes pas. Comme la patrouille à Isambard, hein. ISB, ISB. Gang, gang, gang. Stop, dans les cités, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alcool, business bizarre, mes potes ont niqué le tutorat. Des mots hardcore, des costards de port, j'ai pris cette habitude au rap. Par ici, des policiers font connaître la vie du Rora. J'suis pas le padré du rap gay, ni sa mère la pute. Des 6.3, des canons, si on trouve quand on traverse la hure. À ta grosse tête, sous ma Air Max One. J'allume un pet et j'passe direct à Stan. J'vois que t'es teubé, j'pense qu'on me blesse Pascal, cogno. Y'a des cums qui peignent, ils aiment pas Stan. Non, non. On a trouvé à l'été, à l'hôpital, t'es agité, et petite pédale. Là, j'passe sur mon son que la street a validé, tu me vois tout blanc. Hein. Poto, t'inquiète, j'suis pas raciste, j'fume le bédo qui paralyse. Avec des mecs qui passent à l'assise ou aux assises. Quand ça part en couille, sous Oasis, j'roule des pétards en douce, j'me cache dans le hall comme mon père part en cours. Hein. On part pas en course, mec. La 25ème, on est là jusqu'à minuit les refs. 43 rue d'Arène, tu connais. Hein? Eh, la 25ème. Là. Eh, Sai. Triskai. Eh, j'bouillonne. J'bouillonne, bouillonne, Bavaria dans les boyaux. J'entends des bribes de bullshit jusque dans les tuyaux, merde. J'devrais pas conduire, j'risque une ramasse, allez, chillo, test. Entre eux et moi, j'mets troisième doigt et quelques kilomètres. J'aime pas me sentir pris pour un con, autant dire que j'suis viscère. J'crise sévère sous les combes, j'tape dans ma con. J'me sens encore plus seul 10 fois dans ma tête. J'fais les comptes, j'fais les comptes, puis j'recommence 10 fois dans ma tête, j'fais les comptes. J'sais plus si j'suis vraiment aux commandes. L'insomnie regarde haut, la nuit nous voit œuvrer. c'est rodé au dehors. Je traîne avec 2-3 refrains. Ouais. Calé au fond de Teco, déjà déconnecté. Ouais. Je mate l'élément de décor. Je pense à euro collecté. Hey. Je pense trop, je suis plus trop là. Des bouts de vie, je fais du collage. Des visages figés sur le Kodak ou des milliards prises pour un seul connard. Wow. Loin d'être chez moi, près du coma. Ouais, ouais, ouais. Je voudrais retrouver la vue, n'importe quel format. Ouais, ouais, ouais. Hey. La 25ème SA. J'étais bébé, mon pote. Ben, ça fait, ils ont dit un truc. Ça fait, ils ont dit un truc. Ils ont dit un truc. Ils ont dit qu'assurément c'est moi le boss et que si je continuais j'allais percer. Aye. J'ai grandi dans la street, ok, on est d'accord, mais bon, c'est pas cette pute qui m'a percé. Mon passé, ouais, il m'a blessé. Mais chèque le succès n'est que les gens constants. Et moi je suis constant, mais je suis plus costaud. Je reviens à Roubaix pour partir à Costa. En route pour Izambingue, j'avais l'impression de trahir mes frères du B1. En revenant au B1, j'ai de nouveau l'impression de trahir Izambingue. Donc je bosse, je les blesse et je les rebaisse encore. Et à chaque passage, ben je laisse que des corps, pas de coup par coup. Non, tire dans le tas, y'a pas de destin si tu me tires le cas. Tous les cas, on retire dans le car. Des grammes, tu fais le décompte. Dans la cave, j'ai caché le corps. Bécane pour semer le corps. Le pédo calé dans le cello, le tout réclamé par les gueuches. La Lispo, les Giro, les Ford non des hauts se font toujours fumer par des jeunes. Difficile de marcher seul, encore plus difficile de pas s'acheter de fer. Oui, me tuer, sache, c'est le faire. Donc bien sûr, c'est de la frappe dans les sachets verts. Allume les quoi qu'on dise, écoute pas les rumeurs. Transforme ta peine en meurtre et ton meurtre en une peine qui laisse ta mère en pleurs. Ici, pas de problème, on calcule vite. Oui, t'as serré des mains, mais t'en sais rien qui va t'aider demain. Avant t'étais serein, jusqu'à ce que ton pote prenne un coup de chasse dans les reins. Gros, j'ai poussé là-haut, pour un mauvais regard tu peux aller là-haut. Ben oui, c'est hardcore, pas premier gars où. Tu te souviens de ta première pêche, ton premier KO. Complètement matrixé par l'oseille, y'a des poteaux à moi qui foncent droit dans le mur. En gros, ils galèrent, me drap dans la hurle. Ils ont poussé à vendre des meugras de pur. Mon pote. Hein, Doms. Doms, yes, Skis. Bateau pirate entré dans les flots, Bastos qui part ancré dans les faux. Juliette n'est bonne qu'à sucer Roméo, je suis étalon noir venu juste faire Odéo. Du sale c'est tout ce que je sais faire. Echo, écho sur la puce SFR, je vais la mener cette guerre. Quitte à perdre, quitte à dead, mais avant ça crois-moi je niquerai des mères. 9 mois plus tard dans le game que des fils. Le rap où je rappe où j'achète des hits. Je tue à tout va, qui sont tuba, tuba. J'ai le pied sur la luna spatiale et le titre. Fuck descendant du sein, je suis un gorille moi. Je marche dans la ville, pas comme eux, je suis Godzilla. Ce qui je cracherai polémique comme Monica. Une balle égale MC qui touche l'anonymat. Reste une piste, c'est sur l'écrit, oui. Lèche au CB et pas clitoris. Le synopsis procédé en un D et fuck maison de disque. De Walking Dead, je suis la maison 10. Faut qu'il s'essaie, des gens vivent. J'ai mes OG. Derrière, c'est pour faire la guerre et c'est pas pour de la sodomie. Ouais, follow me. J'pars à la rencontre de nouvelles colonies. J'économise, car en poche, pas assez de papier, plusieurs coloris. On me propose pas assez de zéro sur le chèque. Trop berger pour ne faire que la chèvre. Roi qui trône, accepte, quitte la chaise. 3000 mots, une balle, mais 3000 hommes à terre. Bang. Yeah. Kiss. Y'a Roubaix, y'a Evry, y'a Bezac, ça fait plaisir. Check. Yeah. Hey. Hey. Yeah. Fuck le week-end dans le cosmos, faut fermer la brèche comme Gary. Enfermé dans substance claustro. T'es surcoté comme SG pas, ils aiment beaucoup trop jouer les gosses, bro. Soulève mon mic, j'te dis arrête des costauds. Ou voix de corpulence, Sakimichi Chocho. Neo Sensei, aka S le K, oui. Boîte crânienne, trou noir empilé. Va te faire enfiler ou check tes arrières. 2K19, objectif sans barrière. Dédiès, équipe, tu devrais nous fliquer. Extreme Boy, réunis les groupies, genre XL Fall. Qui fait le troll? Hack la NASA, frère, si j'ai le code, j'vais refaire le monde comme Thanos. Gratter des thunes comme Pablo. Gratter des thunes comme Pablo. Vision nocturne, c'est pas beau. Pire que Freezer, c'est ma millième forme. Style des clones de nous-mêmes. On ne sait même plus. On ne sait même plus. It was all a dream. Classic shit, mec. Radio Sud. Yeah. Yeah. Où? Open mic jusqu'à minuit. BTBB mon pote. Ici c'est gore, ouais c'est très très gore. T'en deviens mal à l'aise, ça baisse ta mère, ça baisse ta soeur aussi. Ça baisse les deux sens mère, non j'suis pas mort. Je reviens avec du flow, j'incarne la puissance même. Ouais mon gros, j'ai perdu la bataille pour préparer la guerre. Ballra game, moi j'lui fais l'amour. J'lui mets dans son cœur, j'lui donne sa force. Avec beaucoup d'altitude, quand continue qu'une guerre. Travaille ta plume, travaille aussi ton corps. Mon refrain t'es tout cuss. Y'a le poids d'un nouveau-né calé au fond du caisse. Attends un G, faut que j'ralentisse. Pour les prévenir que j'ai le démon, j'suis pas gentil. J'ai plus de la merde, tu paresseux. On se parle loin d'ici. On se repose sur une île avec Villa Verte Haïti. Mais quand je suis rap et t'es sous diaconé, j'en sentais la pression, j'en réponds pas. Bon bah retardement, je laisse monter la pression. Change de ton quand je retire le sourire, t'as senti la tension. Oye oye, là je suis qu'à 3%, je demande votre attention. Passé minuit, je mets au point le sérum. J'ai tourné deux fois la serrure, je me rétrograde. Aïe, passé minuit, je mets au point le sérum. J'ai tourné deux fois la serrure, je me dirige droit vers une énième erreur. On se retrouve toujours où on sait aller. On a pris cette route parce qu'on la connaît. La pente avant le sommet. Je trouverai pas le sommeil sur un lit en pierre, un soir de prise de tête. Mes idéaux sont ressortis de terre. Elle a une belle robe mais une sale gueule. À la mort, on me jettera pas d'argent dans le cercueil. Non, zonard dans le secteur, polar sans inspecteur. Collab via serveur, comment sur la feuille. Après goûter liqueur, je peux danser comme Drake. The face sur la tape, mais ça y sort la peuf. Faudrait plus que j'écrive, faudrait que je pense avec deux langues. Je suis derrière la vitre, je fais ma zip dans la violence. On passe l'hiver sans plus savoir où il se situe sa mère. On passe l'hiver sans plus savoir où il se situe. Ma constellation c'est là que je vise. Générer du bif comme Starkleeze. Porter confortablement du cachemire. Tu payes en cash oui, même si tu te caches tire. J'appelle Nathan Smith et j'appelle mon gars Stani. Wesh ça dit quoi? Encore un coup dur de la veille. J'ai mal au foie, c'est sans doute les effets de la bouteille. Je paye insoutenable comme si c'était plus la peine. Réveil insoutenable, même si c'était plus la peine. Je vous devance tranquillement. Avec mes textes, j'ai su transformer ma haine. La première classe qu'on m'offre me correspond. Les stupides l'apprennent, préfèrent la tâter sur le long terme. C'est pas facile de prendre du niveau, de s'élever vers le haut, de s'élever seul, frère. Ça m'a rendu barjo, mon cœur en témoigne. J'ai traversé des heures tristes, des soirs là, l'air gars, enrichi mon leur dit. Ma peur elle s'éloigne, sur cette air marrage crie. Le pédo me soigne, calé dans l'immeuble gris. Les tapes, chap, chap, je roule un PG char, ça fait. Le soleil tape, chape, chape, je roule un PG char. Apparemment depuis Pueli on dit que j'ai un PG champ. Il me faut un cocktail frais, t'as les Bahamas. Ma femme est là, mets-lui un revêt avec de l'ananas. Sont arrivés, les invités sont arrivés. La piscine pète, si j'amène tous mes gars sans hésiter. Et là y'a Tom's qui m'a dégare ma conce, ouais. Dites-lui qu'il pose, il vous choque s'il sort un 11, ouais. Soleil plein, les bécanes rondes, bep, bep, bep. La seule règle c'est Boogie Dance, c'est bep, bep. On réinvente la fête, on mérite le Guinness, ouais. Ce couplet je l'ai écrit tout en roulant mon pet, ouais, ouais, ouais. Y'a rien que ça danse de ci, de là. Dans une ambiance de bohème, hein. Joe, héros retourne ta chiquita. Vers chez nous y'a trop de charron, mais Joe font jamais de cinéma. Don Braska, les bons de musique, ma gueule. Il est 23h42, on rentre dans le Money Time. On rentre dans le Money Time. C'est bien, y'a du monde dans le studio là. EDRF est arrivé, Soso, Samos, Yanox, l'équipe. Hey, c'est quoi les jazz, c'est quoi les bails? Hey, c'est quoi les jazz, c'est quoi les bails? Hey. Ah, c'est bien. Check. Oh, yeah. Prépare la navette, fais le plan pour aller-retour. Allez tous, de grandes herbes, je vous entends trop parler tous. Je pensais qu'elle allait repartir, ok. Pull up, voilà, c'est le prod, il est mystique. Concentration. Eh oui. Hey. Yeah. Hey. Fais le plein pour aller-retour. Allez tous, 2 grammes d'herbe, je vous entends trop parler tous. Bouge, besoin d'air et ça a l'air double. Bico pas si c'est de la merde, trop de noir qu'on voit et flou. Partir loin, brouiller les puces comme agent 47. Nique ces soirs, à vous certains bouffons bouffent des sacs d'en fait. On se détruit trop paraît-il. Un air ivre, sombre, coquille vide, brin de haine dans la rétine. Sans pas dans 20 mètres carrés, médicaments pas déclarés. Côtoie pas ces tailles, jeune moi je ne sais pas. Les quatre roses m'ont pêché, des tas d'or vont aider. Les bastos sont scellés, pipi, les scuds sous c'est l'eau. Lancé sur le tank pour l'arrêter. Allez ouais, dans l'oreille, ça kick fort et fait de la RT. Trouble, C'est le bordel dans l'encéphale. Quand la galère nous tend ses bras, je crois que mon veau sert à serrer. Chaud, chaud, chaud, chaud. Vas-y, je vais lâcher un truc sur celle-là. Moi. Un petit truc, tu vois. Faut reprendre après. Hein. Carré alors. Ouais. Welcome to the 25. C'est quoi les jets, c'est quoi les boys? Des fois je pète un cap, je m'imagine qu'à couler devant la caisse d'épargne. On me parlait de faire du pif, ça m'intéressait pas. Mais bon, quand c'est la crise, je prie pour rester calme. Dehors c'est la jungle, ma gueule c'est le cas. Prêt à devenir taré pour traquer le cash. J'entends Shaitan qui ricane. J'ai la haine dans les yeux, la flamme qui remplit le jerrycan. J'ai rêvé de blouson en cuir véritable. Rouler dans la ville en dernière série cab. Faire le tour du monde sans regarder la montre. Faire entrer les ronds chaque seconde et faire croquer mes gars. J'écris Céline, la lune s'allume. Mélange le jack, le coca dans la cristalline. Les lumières s'éteignent, la ville qui s'anime. Papillon de nuit sort de sa chrysalide. J'kick, toujours n'était précis. J'mets l'instru en I, comme Valentino Rossi. Tu perds des calories, technique comme le Brésil. En théorie, je m'amuse sur la mélodie. Je suis bouillant, est-ce que t'as saisi? Si, si, Créo, je te fais plaisir. Je veux voir maman se faire bronzer dans les îles. Toujours un temps d'avance, pas de mi-temps, pas de répit. Je prends de la distance, rien à voir avec tes MC. Je réside dans le 25 000 côté Est. Je vois la concurrence arracher les cheveux. Dans le 25 000 côté Est. Et ce soir, Radio Sud, la 25e. Ouais. T'es chaud ou pas? Est-ce que t'as du trapuleux, mec? Du trapuleux. Je vais chercher. C'est parti, mon petit. Ah. EDRF, SLF, crew. Yeah. La 25e, SLF crew. Hey, le DRF, hey, en moins de deux. En moins de deux, je fais des one shot. Je les entends tous parler, ils font les boucles des réseaux. Je suis dans les gosses, pas de la manchave. Jamais trahi le squad, même pour avoir raison. J'en ai rien à foutre, j'étais différent, je partais au quart de tour. Je connais la rue comme eux, par des allées sombres quand on part de tour. Tu parlais sur moi, tu tournes dans la fosse. C'est pour tous les vrais qui me soutiennent dans la salle. J'ai grandi, j'ai zoné, j'ai tout fait pour mes sauces. Très loin du paradis, pourtant proche du linceul. Et quand tu crois, tu vas me piler la repousse. Mais le manque d'argent a forgé mon mental. T'es ma méienne, on traversait la brousse. On en a fait des choses, mais tranquille qu'on en parle. Moi j'ai la cote tabomisée, la dégaine ralphonisée. J'ai traversé les flammes pour te carboniser, fils de putain. Moi j'ai la cote tabomisée, le survêt être alphonisé. J'ai traversé les flammes pour tout carboniser. Je vous emmerde. SLF crew, la 25ème. T'achètes un boulevard donc je mets le GPS. Chaque fois qu'un coup part tombe les mecs essayent de tester donc de crime sera la scène. Je te baisse donc sur le feed tu seras la chienne. En bois, punition du game à quatre pattes. Munitions chargées dans le AK, je rafale, tu diras plus qu'on n'est pas capable. À ma table, camarade, capable de te faire un Trafalgar. Pour moi cash, pas ta tasse, cagoule noir, fuck ton KKK. Chaud. Ça bombarde à 200 toute la nuit dans un golf. Le poteau fait qu'accélérer. Tu peux très vite te retrouver dans un coffre. Y'a des gens qui ont pas envie d'être déférés. Je suis sous terre, je fume la frappe que le poteau ramène. J'enroule un, fais goûter la mienne. Ça fait cool. Je suis sous terre, je fume la frappe que le poteau ramène. J'enroule un, fais goûter la mienne. Ça fait crouler des boîtes et les condés s'amènent. Contrôle des papiers, nique sa mère. Souvent avec Mowgli, tous mes soucis, je fume du tard, je les oublie. Quand tu grandis, la vie fait des loopings. Elle t'apprend à rendre les coups vite, les condés nous matent. Moi j'dis rien, toi tu fais le match. J'étais dans le hall quand j'ai passé le bac. Mais toi t'étais en geôle quand j'ai semé la bac. Parfois j'ai fait du mal dans ma vie. Ce qui me dérange c'est pas ton avis. J'traîne en meute avec mes amis au rabatard le soir en plein milieu de la ville. Bateau pirate entré dans les flots. Bastos qui part ancré dans les faux. Juliette les bonnes qu'à sucer Roméo. J'suis étalon noir venu juste faire rodéo. du sale, c'est tout ce que je sais faire. Echo, écho sur la puce SFR, je vais la mener cette guerre. Quitte à perdre, quitte à dead, mais avant ça, crois-moi, je niquerai des mères. 9 mois plus tard, dans le game que des fils, le rap bougera plus large que des hits. Tu as tout va, tu vois qui sont, tu bas, j'ai le pied sur la luna spatiale et le titre. Fuck descendant du sein, je suis un gorille, moi. Je marche dans la ville, pas comme eux, je suis Godzilla. Qui je cracherai polémique comme Monica, une balle égale MC qui couche anonymat. Reste une piste, c'est sur les crypto, oui. Lèche au CB et pas clitoris. Le synopsis procédé en un dé et fuck maison de disque. The Walking Dead, je suis la saison 10. Faut qu'ils aient aucune raison de vivre. J'ai mes hobbies derrière, c'est pour faire la guerre et c'est pas pour de la sodomie. Ouais, follow me. J'pars à la rencontre de nouvelles colonies. J'économise car on poche pas assez de papiers de plusieurs coloris. On me propose pas assez de zéro sur le chèque. Trop berger pour ne faire que la chèvre. Roi qui trône accepte que la chaise. 3000 mots, une balle, mais 3000 hommes à terre. Skis. Évry dans la maison, 9-1 dans la maison, Roubaix dans la maison, Besançon est dans la maison. Show, 10 minutes, 10 minutes left, man. Ok. Yo, Vidika, yeah, yeah. T'es un ok. Hein. T'es haché 4 roses dans la tête. T'as ton nez, t'as ton cul dans la mette. Ouais. On découpe la concu en lamelle. Le point serré si j'ai vaincu sa mère. Eh, prends la proie dans la broie, on la ternit. Le V.K, grosse machine de guerre. Du volet du sale, là t'es servi. Pour nous, ce sera juste whisky de verre. Eh, préparise la mélatose. Buzzard qui la bat dans la zone. Là je vais t'y par avec 10 grammes. Wesh la mifa, on se la colle. Tiens ta groupie, fais la folle. La pilule au fond de la gorge, les pupilles dilatent. 15 lots précis, j'ai la borde. Bah les couilles d'attendance, on vient provoquer la chance. Eh, technique pas pour les babos. Eh, style ça l'appliquer sans latence. Eh, que des tarés dans les gamos. Eh, X ça pour 0 centime. Les teutés troubles, c'est le sentier. Eh, vision rouge, tout comme sentinelle. Reste pas là, allez vamos. Allez vamos, allez vamos. T'es moi mon équipe, pas trop squatter le bitume, la rue nous a tous donné un cœur de pierre. J'aurai devant mes potes que je réussirai, je tiens mes promesses, donc maintenant je ne peux que le faire. Fermez-la, fermez-la, fermez-la, tu crois vraiment que je rêve de cul à Pamela. J'ai tout plié sur scène et quand on les appelle, ils font genre qu'ils sont jamais là. Bande de lâches, tu sais vos artistes, mais nous sachez qu'on fera pas la même. Gardez votre équipe, y'a très peu de fierté et je n'irai pas, c'est pour ça faut que je vende la mienne. J'ai tout donné, je serais pas là si j'avais pas rendu les coups. On faisait que boire les soirs, on était sous les tout, besoin de liberté dans ma chambre, je suis comme sous des croûts. Et y'a que sur scène que je me sens à ma place. Je m'en fous d'être connu, je m'en fous du million de vues tant que je suis fier devant ma glace. Ouais, j'ai compris que me fier à la raison me causerait du tort. Croire en l'avenir, je suis pareil, moi ça me fait plus peur. Depuis que j'ai vu que le passé nous rendrait plus fort, je t'avoue que j'en ai fait un tas d'efforts. Pourtant ce monde me rendait plus mal. Tout part en couille, elle pense qu'à leur forme. Maintenant les reines des choix deviennent les reines du bal. J'arrive comme une balle. Dans le fond, je m'en fous qu'ils soient préparés. Faudra de la folie pour toucher sommet. Alors j'assume que les autres disent que je suis taré. Ouh. Show. Hey, ma foi, hey, hey, SI, freestyle à 25ème. En 2 temps 4 mouvements, je mets tout dans la cape, je traverse la 4 si souvent. J'en ai mal à la main droite, je perds pas un latin que j'ai jamais eu. Tu captes t'es content, pas la joue, sinon on t'en remet une. 4 roues sur le bitume, je parcours toutes les rues. Plus j'avance, plus j'ouvre de poupées russes, on change de vie pour des thunes. Mais on garde la face en vrai, c'est que le début. J'alimenterai la poche parce que les nouvelles savent tomber brutes. On sait pas plaire à l'assistance, à monsieur ce fils de. Mes convictions sur le mic tous les dimanches. Prise de risque, c'est nécessaire. Je rêve de me balader sur les rives de riche, fier en TZR. Comment dire qu'il y a plus de haine, je peux pas mentir, serait la honte. On a laissé le passé dans l'incendie, seul contre tous, comme Aimé Jacquet. Je traverse ce monde, y'a pas que de couleurs sur la palette. En 2 temps 4 mouvements, je mets tout dans la cape, ouais. Hey, en 2 temps 4 mouvements, je mets tout dans la cape, ouais. Ok. Je vois que des guests tapés, je regrette presque la Gestapo. On vend le terme, venu dans la C. Car toi les veines, c'est pas de ma faute. On va pas ressasser le passé. Je l'ai pas droité qu'elle est déjà folle. Et je fais du sale, j'avoue, y'a poil d'elle spas, je suis encore sous de la veille. Elle suce pas mais elle avale. Si tu vises mal ça cavale. Terminal et la face, qu'aura terre douille près de la balle. Je pars en paix si je me rends homme, je m'en bats les qui retiennent mon aime. Je rappe sale, je tabasse la balle. Je rabatte, j'y laisse mon âme. Après minuit mes démons naissent. Après quelques verres je suis démoniaque. On n'est pas né malhonnête. Aucune somme me fera donner mon cash. Je suis pété en l'air, j'ai roulé mon tach. Elle y passe si elle est démontable. On va se faire croiser les montagnes. Je fais du sale jusqu'à que mes démons cannent. Jusqu'à que mes démons cannent. Je vais faire du sale jusqu'à que mes démons cannent. Elle est trop bonne la petite kerr. Je lui pète le couer, tu t'y perds. Je fais pas peur à engager, je nique des femmes de militaires. On me dit SOSO, vas-y fais les terres. Nous on fout le sac frérot là où ça tire. Je fais ma grosse guerre devant ta mère à terre. Le mal m'attire, je vais quitter la matrice. Cette vie d'amatrice, des kahbas, des actrices. Nique ta mère et ton père, le tapin qui tapine. Si demain je tombe, je fais ma peine. Je suis DZ, je fais pas la bitch. Je m'en bats les clés ou d'aller à pas la vache. Je préfère me casser le crâne à Palm Beach. Et j'aime ça quand je suis rabat, je tease. Faut que je m'éloigne des tentatrices. Et bâtard, ne me loupe pas, t'auras pas d'autres tentatives. T'auras pas d'autres tentatives. So so. Show show. 23h54. L'heure est grave. Il reste 6 minutes. Ça fait 1 heure que vous freestylez presque. Bordel. La 25ème, on est là jusqu'à minuit. Open mic. Ok. Elle est énervée celle-là. Hein. Faut être énervé sur celle-là. Dans sa boîte cave, mec. Tu crois que tu peux ramer, tu rappes mal. Demande pas de conseils. Tu négliges ta go, elle est pas mal. Méga tac sans paix. Devant le pushkai. Pourtant, c'est toi la tête. Eh, hey, mon gros. Tu t'es fait hagard par les types du Tchex. Pourquoi tu fais le gros? Hein? Faut fermer ta gorge, me fais plus la tête si tu veux pas d'embrouille. Hey, hey. Plus de grand, plus de petit, c'est la mafia, mec, comme à Edine Bourg. Hein? Hein? La pierre du mec, tout, ouais, je la veux sur ma tête. Yeah. Yo, bomba 4, moi c'est Don Brasca, toi tu n'es pas de taille. Casse un paille, on fait un tête-tête, là je vois tu t'enjailles. Si je sors le globe, ça fait bye bye bye. Tu vas crailler la paille, cogno. Je vais t'en mettre plein les yeux, tu vas. De l'acide dans la baignoire, cogno. Pour effacer l'épreuve et faire fondre tous tes os. Si je rentre pas à la maison, mamie c'est que je gère le réseau. Veulent me voir en prison, sauvage prison devient le zoo. À l'audience ils diront, méchante cité sème la terreur. Moi je crois plus que dans le fond, émeute police catalyseur. BTBB musique. BTBB mon pote. Et en ce moment y'a un concours, t'es capturable sur IG. BTBB musique, c'était Don Brasca. Bye. Qui est chaud? Qui est chaud? Qui est chaud? Je compte pas sur les autres pour m'en sortir. Pote aussi à Dras, ça rafale sur la portière. Y'en a combien encore qui vont partir? Un qualité pas tout comme une assurance au tiers. Je crame un bédo de plus, mon pote. Plus de fumée qu'un pote complète. Dans ton dos, tes potes complotent. Tu parais plus trop ta gueule quand t'es trop pompé. Je suis à ISBAR, là je suis en calage. Y'a des mecs en jean, des mecs en calenji. Les condés qui passent, wesh y'a pas de calage. Mais ils viennent casser les couilles, je crois qu'ils aiment trop cette bille. J'ai trop les dents. Me mettre à aller la night pour oublier qu'ils aiment trop parler les gens. Hey, hey. Là je voudrais calder Adam, je peux pas trop parler madame. Je suis avec Sissi et Stan, je roule un gros méchant. Hey, hey, hey. T'as rien de rester le même, ces petits diront quand même que t'as trop géchant. Grosse somme, grosse quantité, gros échange. Gros échange. Hey. C'est comme quand t'es aux échanges. Ouais. Reste la prod. Bien sûr, vas-y. T'es cap, tu rappes. Hein? Le concept est simple, y'a steps à la prod, tu rappes, tu gagnes. Bah, bah. Pas besoin de playback, mets ton freestyle sur Instagram. Sur Instagram. Va nous follow et mets le hashtag t'es cap tu rap. T'es cap tu rap. Et là tu demandes mais qu'est-ce tu gagnes. Donc y'a deux sons, un clip à gagner, trois prods exclus pour vous booster. Pose ton couplet d'acharné, on reposte le boss, c'est validé. Bien sûr. Eh, j'espère que vous avez capté là. T'es cap tu rap. BTBB musique ma gueule, bye allez, bye. Allez follow, allez follow, allez follow ça. En G, coupe le beat quand je rentre. En D, pour qu'il y ait du bif quand je chante. Rien que j'ai l'envie d'être blindé. Plein de blé, je cultive car là je suis dans le champ. J'ai ça dans le sang, toi dans le ventre. Après 9 mois, tu classes ta suite en 3 lettres. Comme le nom mythique de ce groupe du 9-3. Hey, une seule voix pour le sommet. Seul moi peut me détrôner. Je suis le seul roi que tu connais. Et la seule loi que tu peux voter. OP, OK, là je plane en air Caraïbes. Herbe cannabis, verse-moi la tease. Laisse j'analyse, je blesse dans la prise. Lui fais pas la bise, boom, punch un air carabine. Skiz, le blast sur lequel tu peux cliquer. Je sais que tu kifferais, mais sur la même prod on ne peut pas kicker. De quitter, j'en ai rien à battre. Viens à table, c'est un festin. J'suis venu grind des faux MC jusqu'à ce que je fasse péter mon intestin. Cœur d'iceberg, face au Titanic. A toute heure, c'est la tyrannie. Si j'illuminati, si je pose dans un bunker au milieu des pyramides. Oui, j'arrive, je découpe des prods, découpe des prods. Oui, je découpe les gores et coupe les corps. Ouh. Ah, du coup, la voix était finie. Show, je mets la dernière ou quoi? Vas-y. C'est parti. Oh. Ok. Fuck les numéros 1, je les baisse tous. On est les best cous, pas besoin de rescousse. J'encule des MC, ils en ont les fesses rouges. Le mur de la street, négro, c'est pas le mur de Facebook. Pas des fêtes groupes, juste seul contre tous. J'ai pas la couleur, juste le seum qu'on me repousse. Contre le trou, j'ai la crosse, toi. Contre le trou, du canon, car la haine nous contrôle tous. Donc je reprends le volant, c'est ce qui tue. Un cesse qui dure, vaut mieux que cesse qui pue. Cette petite pute pleine sur les testicules. C'est normal que je circule, je suis dans les véhicules. Yeah, yeah, yeah, DRF,